Ma conviction, c'est que... La crise, avec un petit C, que connaît l'Europe, à cause de ces divergences de vues sur la... Profondément divisée, quand même. Non, ne le croyez pas. Vous savez, j'ai une longue expérience de l'Europe. Je connais bien l'Europe. Je sais comment elle fonctionne. Je suis peut-être un de ceux qui savent le mieux comment elle fonctionne. Elle ne sera pas du tout divisée dès que la crise sera terminée. Et elle trouvera dans ses remords de ne pas avoir pu concevoir une position unique, une force nouvelle. Arriver à l'objectif qu'elle s'est fixé. C'est toute l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe est jalonnée de crises. Chaque fois, elle est sortie renforcée. C'est toute l'histoire de l'Europe. C'est toute l'histoire de l'Europe. Tout simplement parce que chacun a conscience que... Pour que l'Europe compte et existe, il faut que l'Europe soit réellement bien associée. Et elle le sera. C'est toute l'histoire de l'Europe.